à toutes et à tous, c'est Michel pour sa chronique du jeudi matin sur RGM. Voilà que j'ai intitulé « Retraitable, les certitudes et l'incertitude ». Le moins que l'on puisse dire est que l'exécutif de ce gouvernement s'acharne à ignorer la grogne suscitée par la réforme des retraites, telle que la conçoit Macron et sa majorité. Présenter cette réforme comme un progrès vers un régime universel est un peu trop facile et pose d'importants problèmes que la propagande officielle n'aborde pas ou très peu. Ce qui met le feu aux poudres et fait que la CFDT, syndicat provisoirement majoritaire, dise, par l'intermédiaire de son secrétaire général, que la ligne rouge est franchie, est bien la démonstration que la réforme Delevoye-Macron constitue une régression et non un progrès social, comme voudrait le faire croire le Premier ministre. Il ne s'agit pas seulement du recul de l'âge de la retraite avec des droits dits médians à 64 ans. C'est le nouveau système qui attise sa méfiance, voire l'hostilité des Français, d'autant plus que l'âge de départ avec une retraite complète pourrait varier vers le haut selon les contraintes démographiques. Ainsi, c'est avoué que l'accès à la retraite sera individualisé et n'obéira plus à une règle égalitaire, voire uniforme, mais dans le cadre d'un système par points qui sera fonction de l'accumulation de points sur l'ensemble d'une carrière, en fonction également des salaires ou des revenus acquis. Certes, à première analyse, ce dispositif peut paraître plus équitable, avec une valeur universelle du point. Mais il n'est pas moins évident que parler de justice sociale pour vendre ce produit est parfaitement outrancier et qu'il y a de nombreux loups dans le système qui se voudrait universel. Il y aura à l'évidence quelques gagnants, mais beaucoup de perdants. Rappelons ainsi que je l'ai déjà fait dans une chronique antérieure, que le système actuel date du Conseil national de la Résistance, qui a voulu assurer un minimum de pension aux salariés retraitables, à 65 ans, avec 50% de leurs revenus salariaux. C'était un peu audacieux dans une France ruinée par un conflit mondial et qui aspirait à retrouver une prospérité. Les pères de la sécurité sociale ont jeté les bases d'un système de sécurité sociale qui se voulait universel, que ce soit au niveau de l'assurance maladie, des retraites et des prestations familiales. Ainsi, caisse de retraite, caisse d'assurance maladie et CAF étaient confondus dans un seul dispositif en ce qui concernait les salariés dits du régime général, puisque les agriculteurs et les salariés agricoles instituaient un régime à part qui perdure encore aujourd'hui, dans la MSA. D'autres professions, artisans, commerçants, professions libérales, ne voulaient pas se mélanger aux prolos du régime général et construisaient petit à petit leur propre régime. De plus, des régimes spéciaux ou particuliers étaient maintenus, constituant depuis l'avant-guerre ou l'immédiat après-guerre des avancées sociales importantes qui auraient dû servir de modèle pour les autres retraitables, pour les autres catégories sociales, puisque plus avantageux que le régime de sécurité sociale des salariés. C'est là que réside le premier loup, dissimulé dans le régime à points, décrété par Macron. Les salariés de la SNCF, de la RATP, les fonctionnaires, pour ne citer qu'eux, voient leur avantage acquis diminuer radicalement, disparaître dans le nouveau régime. Avantage acquis faisant partie du contrat de travail défini avec les services publics auxquels ces salariés appartiennent. Avancé du montant de la retraite basé sur les derniers salaires, si carrière complète. Les fonctionnaires ont déjà subi la réforme Sarkozy sur l'âge de la retraite. Ils seront au surplus défavorisés par le régime par points, qui se révélera forcément dégressif par rapport à la situation actuelle. C'est donc un nivellement par le bas pour tous ces régimes dits spéciaux ou particuliers. Le deuxième loup est l'inégalité de revenus qui se trouvera renforcée par le calcul par points. En effet, comment oser prétendre que les faibles revenus, surtout composés de ceux des femmes, seraient avantagés par le système par points. C'est une ineptie. En effet, le système actuel pour les salariés du régime général est basé sur les 25 meilleures années de salaire. Soulignons en passant que de réforme en réforme, toute dégressive, nous sommes passés d'une référence moyenne des 10 meilleures années aux 25 meilleures années pour établir le montant des pensions des retraitables, ce qui a contribué à diminuer notablement le revenu des retraités, du régime général bien entendu. Ajoutons à cela que les retraites du régime général ont subi des ponctions sur leurs revenus et que les retraites n'ont pas évolué selon le coût de la vie. Pour autant, et c'est le deuxième loup, la prise en compte de toute la carrière ne peut favoriser les bas salaires et les carrières incomplètes, puisque la référence des 25 années céderait la place à tout, à une référence sur tous les revenus salariaux, sur toute la carrière. Que dire de la situation des femmes, avec un salaire inférieur aux hommes et une précarité d'emploi plus grande ? Elles seront encore plus désavantagées que dans l'ancien système, pour ne citer qu'elles, bien sûr, les femmes. Certes, il est prévu des points gratuits, 5 à 7% du montant de la retraite, pour les enfants élevés et les périodes de chômage. Mais ce dispositif sera-t-il plus avantageux que celui actuel des 25 meilleures années ? Ça reste à prouver. Et c'est plutôt la preuve contraire que l'on peut craindre. De toute façon, le but plus ou moins avoué, c'est de maintenir dans la proportion de 14% du PIB les prestations de retraite. Si l'on estime que le nombre de retraités va fatalement augmenter, il est facile de conclure que la réforme prévu va tirer vers le bas l'ensemble des retraites. Par ailleurs, la garantie à 1 000 euros pour une carrière complète à 25% du SMIC est une misère. Cette mesure non appliquée était prévue depuis 2006 et toujours reportée. Quand l'on sait que ce montant de 1 000 euros est en dessous du seuil de pauvreté, concluez vous-même. Voilà, on a encore beaucoup de choses à dire sur les retraites. Je vous laisse méditer au cours de cette journée que je vous souhaite la meilleure possible. Et je vous donne rendez-vous jeudi prochain, si tout va bien.